Les revues et journaux de divers pays ont traité spécialement le 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti Travail de Corée, le 71e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée et le 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme. La revue hongkongaise de Chine Relations internationales d'octobre, le journal bulgare Iskra d'octobre, le journal brésilien Orado Pobon et le journal syrien Al-Baas ont présenté les articles comme célébration du 71e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée et nouveau départ de la révolution coréenne et le 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme pour expliquer la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme et sa portée historique et exalter notre parti glorieux qui a incité les militaires et civils à la création du miracle et de transformation séculaire. La revue hongkongaise de Chine a inséré des photos du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un.